Bonjour et bienvenue dans cette 11e séance de méditation. Aujourd'hui, tu vas prendre la posture habituelle. Fermer les yeux, prendre une respiration calme et profonde. Une fois que tu es dans une position confortable, droite et équilibrée, tu vas te laisser aller quelque temps, laisser aller tes pensées à ce qu'elles veulent. Tu vas te laisser aller quelque temps et penser à ce que tu veux pendant quelques minutes. On commencera la méditation ensuite. Laisse aller ton esprit librement. Pense à la souffrance des êtres humains dans le monde. Pense à tous ceux qui souffrent de la faim. Pense à la souffrance de ceux qui subissent la pauvreté. Quel sentiment cela évoque chez toi? Concentre-toi sur ce sentiment. Retiens-le. Observe ce sentiment dans tous ses détails, sous tous ses angles. Pense à la souffrance des gens que tu connais. Pense à toute la souffrance de tous ceux que tu ne connais pas. Médite sur la souffrance de ceux qui subissent la guerre. Médite également sur la souffrance de ceux qui ont tout pour eux, mais qui sont quand même toujours insatisfaits et malheureux. Pense à la souffrance des enfants. Pense à la souffrance des personnes âgées. Médite sur la souffrance des animaux dans les abattoirs. Médite sur toute la souffrance qui existe dans le monde. Concentre-toi encore sur ce sentiment de souffrance des autres êtres et prends-le en toi. Imagine que tu prends la souffrance de ces êtres. Imagine qu'en prenant la souffrance des autres, tu la leur retires un petit peu. Imagine que tu récupères les malheurs des autres pour le subir à leur place et les rendre un peu plus heureux. Observe ce sentiment lucidement, sans être attaché à lui, sans t'identifier à lui. Observe passer la souffrance en toi. Tu vas continuer à méditer sur ce sentiment de souffrance jusqu'à la fin de la méditation et ainsi cultiver ta compassion pour les autres êtres. C'est maintenant la fin de la 11e séance de méditation. Tu peux lentement ouvrir les yeux et étirer tes bras. Le sentiment de compassion que tu as cultivé pendant cette séance peut avoir différents effets sur toi. Peut-être que cela a évoqué des choses extrêmement profondes en toi. Peut-être que cela n'a pas toujours été agréable. Mais tu peux prendre quelques minutes pour méditer sur l'effet que cela a de penser à la souffrance des autres et de la prendre en soi. Et méditer sur le fait que cela ne te fait pas forcément souffrir. Et que la douleur n'est désagréable que lorsqu'on s'identifie à elle. Tu peux méditer sur ce sentiment au cours de ta journée. On se retrouve demain pour une nouvelle méditation.